Je circule en agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois prévoir de laisser un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre entre lui et mon véhicule. Cette obligation concerne aussi tous les usagers à 2 ou 3 roues, les piétons et les animaux. Réponse B.